Jamais aimé avec tant d'amour dans mon cœur. Tu m'as donné le bonheur contre un peu de liberté. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Avec toi ce n'est plus pareil. Je ne quitte plus la maison. Il y a toujours du soleil et ton sourire à l'horizon. Chaque nuit je viens vers toi. Mauvais jour, car c'est un vrai nid d'amour que tu as construit pour moi. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Je n'ai jamais aimé aussi vrai de ma vie. Je n'ai jamais aimé.